sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bonjour Monsieur Jacques Bégélina, merci d'être de retour à l'émission Grain de sable. Bonjour, c'est un plaisir toujours de revenir vous voir et de parler à votre auditeur. Oui, parce que quand on entend parler de libre-échange comme on en entend parler actuellement, oui. Nos voisins du Sud, ils ont plus ben l'air à vouloir faire de libre-échange. Contrairement à Reagan et Obama, Trump n'aime pas le libre-échange. Oui, c'est curieux. Tous les, non seulement Reagan, mais à partir de Reagan, c'est lui qui a lancé le bal dans les années 80 de cette, un nouveau type de libre-échange. Donc, de Reagan à, en passant par les deux Bush et Clinton, donc républicains et démocrates. Peu importe le parti, on était pour le libre-échange aux États-Unis. Tout le monde enthousiaste le libre-échange. Il y avait seulement du bon dans le libre-échange. Alors, donc, un nouveau président arrive. Puis, il est contre. Quelle surprise! Alors, pourquoi? Hein, c'est ça qu'il faut se demander. Les raisons de Trump, président des États-Unis, président d'un grand empire, qui a toujours été pour le libre-échange dans les Amériques, dans le monde entier, et qui, aujourd'hui, arrive, il est contre. C'est quoi ses raisons? Alors, c'est que Trump, un homme d'affaires, très ambitieux, il voulait être président des États-Unis, et il a écouté le peuple un peu, et il a découvert qu'il y avait tout un groupe qui avait été des perdants dans le libre-échange. Tous les présidents avant, la même chose ici au Canada et au Québec, ils disent que dans le libre-échange, il y a juste des gagnants. C'est gagnant-gagnant. C'est pas vrai. Alors, là, on a ça exposé à la face du monde, que Trump a découvert, dans ça, il a raison, c'est difficile, comme disait le Ferrantel. Hein, il dit, Ferrantel, il dit, j'avais écrit des choses, il y en a qui étaient d'accord, puis il y en a qui ça leur plaisait, d'autres ça leur plaisait pas. Il dit, c'est difficile de déplaire à tout le monde. Alors, Trump, c'est pareil. Donc, il a découvert qu'il y avait des gens qui aimaient pas ça, qui étaient des perdants. C'est quoi? C'est qui ces perdants-là? C'est des ouvriers du système manufacturier aux États-Unis que, avec le libre-échange, les entreprises américaines se sont mises à délocaliser, c'est-à-dire à déménager au Mexique, c'est le voisin le plus proche, mais aussi en Chine, au Cambodge, au Vietnam, dans les pays pauvres où les salaires sont meilleurs marchés. Donc, c'est le libre-échange qui permet ça. Avant, c'était plus difficile de faire ça, c'était pas tellement avantageux. Alors, donc, Trump a découvert toute une classe. On peut dire qu'il a le mérite d'avoir annoncé, d'avoir fait redécouvrir aux Américains qu'il y avait une classe ouvrière aux États-Unis, comme ailleurs. Donc, il y a une classe ouvrière aux États-Unis qui est mécontente, qui a des perdants dans le libre-échange. Les autres, c'est des perdants, ceux qui ont perdu leur job dans des, c'est surtout les États où qui ont fait gagner Trump, là, Michigan... Le Iron Belt, comme on dit. Le Iron Belt, l'endroit où on retrouve beaucoup d'usines manufacturières basées sur l'acier et l'automobile exactement. Et autres grandes manufactures. Oui, comme Détroit, qui est devenu une ville en banqueroute. Ah oui, je suis allé l'année dernière et je peux vous dire qu'il y a des grands stationnements qui, avant, servaient à entreposer les voitures qui sont maintenant des champs où on fait pousser l'agriculture urbaine, quoi. Donc, c'est, exactement, parce que c'est les la nature qui reprend sa place. Oui, ben les gens qui ont plus d'ouvrage, ils ont plus de job, ils ont plus de revenus, donc ils sont mis à cultiver urbaine à toute chose malheur est bon. Alors, ils ont redécouvert aussi la culture urbaine avec ça. Bon. Alors, donc c'est ça qui fait que Trump, pour deux raisons principales, est contre le libre-échange aujourd'hui. Une grosse surprise. À cause des délocalisations, c'est-à-dire ce qui affecte le secteur manufacturier aux États-Unis. Et l'autre raison, c'est le déficit commercial avec le Mexique. Donc, le libre-échange qui a supprimé plus de droits de douane, c'était déjà très ouvert, mais fait que le Mexique a un surplus commercial, aux États-Unis ont un déficit commercial avec le Mexique. Ça ne dépend pas nécessairement du libre-échange, mais Trump y attribue ça au libre-échange. Alors, donc Trump y est contre deux traités principalement. L'ALENA, qui est le traité de libre-échange nord-américain, Canada, États-Unis, Mexique. Donc, ça, il veut le renégocier parce qu'il dit que la classe ouvrière des États-Unis, une grande partie des États-Unis, donc, est perdante dans ce traité-là. Il veut, en plus, annuler un autre traité qui a été signé déjà, le traité de Transpacifique. On appelle ça le traité de partenariat transpacifique qui regroupe une douzaine de pays, dont le Canada, les États-Unis, et une demi-douzaine de pays sous-développés, une demi-douzaine de pays plus développés. Alors donc ça. Mais la Chine n'était pas inclue. Non. Mais là, elle s'intéresse puisque les États-Unis veulent s'en sortir. C'est ça. Donc on pourra en parler un peu plus loin de quels sont les effets de l'annulation de ce traité. Très important d'ailleurs pour les États-Unis, pas nécessairement pour nous. Alors, Trump, dans ça, c'est deux raisons. Mais il y a des contradictions, Trump. Il est contre ces deux traités-là, mais il y a beaucoup d'autres traités qui sont de la même veine, hein, du même type, que les États-Unis ont signé ou qui sont en train de négocier. Il y a un autre grand traité, méga accord que les États-Unis sont en train de négocier, c'est avec l'Union européenne. C'est bien plus vaste que le traité de Transpacifique qu'ils ont déjà signé, quoi, que le traité de Transpacifique a plus de possibilités. Mais c'est déjà énorme, les États-Unis, avec l'Europe, l'Union européenne, 27 pays, 28 pays. Alors, donc, ils sont en train de négocier ça, est-ce qu'ils vont l'annuler, ça aussi? Il n'a pas dit un mot, il n'y a personne qui le questionne. Si moi, si j'étais journaliste, j'aurais posé la question, mais là, les journalistes ne posent pas la question pour le moment. Bon, alors, une autre contradiction, c'est que l'Organisation mondiale du commerce, qui est en vigueur depuis 1995, 1er janvier 1995, a, dans cette nouvelle organisation, l'Organisation mondiale du commerce, il y a une trentaine d'accords de néo-libre-échange aussi. Donc, tous ces accords-là, les États-Unis les ont signés, en ont fait la promotion même. Alors, ça, est-ce que Trump aussi va l'annuler? On n'en parle pas déjà, là. On n'en parle pas. Mais c'est un fait que le libre-échange, c'est un vaste... C'est ça qu'on pourrait parler aussi... C'est un vaste ensemble de traités d'accords qui se sont signés depuis les années 1980. Donc, de tous ces accords-là que les États-Unis ont signés aussi, Trump n'en parle pas, puis paraît-il qu'on ne lui pose pas tellement de questions, au moins... Mais semble-t-il, sa doctrine qu'il veut inculquer est plutôt protectionniste. On peut s'attendre à ce que toutes ces ententes multilatérales soient remises en question. Ben oui, parce que s'il est protectionniste pour le traité transpacifique, pour l'ALENA, il devrait, avec un peu de logique, devrait être aussi protectionniste avec tous les autres accords de libre-échange. Il y en a 300-400 dans le monde. Des accords de libre-échange bilatéraux, régionaux, multilatéraux, internationaux, c'est-à-dire, dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il y a 164 pays. Donc, c'est presque le monde entier. Alors, les États-Unis font partie de ça. Donc, est-ce qu'ils vont être protectionnistes aussi dans ces accords-là qu'ils ont déjà signés? Voilà des grandes questions. Alors, avant d'aller plus loin, moi, je voudrais savoir, vos auditeurs certainement voudraient savoir, de quoi parle-t-on? De quel genre d'accord? Selon, oui. Parlons du contenu de ces ententes de libre-échange. D'ailleurs, vous êtes l'auteur d'un livre sur le néo-libre-échangisme, l'hypercollusionnisme. Alors, exactement. Je veux absolument vous poser la question, c'est la raison pourquoi on vous a invité. Qu'est-ce qu'il y a dans ces accords qui pourraient rester ou disparaître et être bon ou mauvais pour nous? Voilà. Donc, ce sont des nouveaux accords qui ont été signés, là, des accords de libre-échange. De sorte que quand on dit accord de libre-échange, on ne parle pas de la même chose si c'est avant 1989 ou après. Totalement différent. Alors, avant, on parlait de réduire des tarifs douaniers, les barrières non tarifaires. Maintenant, on parle plus d'investissement puis de la vitesse à laquelle un million peut se déplacer. Le régime qui avait été installé après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1948, oui, c'était le régime du GATT, c'est-à-dire le General Agreement on Tariff. Trade and Tariff. C'est GATT, ça. G-A-T-T. C'est ça. Il y avait plusieurs rounds, le Tokyo Round, Canada Round, qui se négociaient. Donc, les tarifs, c'était régi dans ce temps-là. Le commerce international était régi par les accords du GATT. Et ça ne concernait que les marchandises. Les biens qui les circulaient. Tarifs, les taxes là, aux douanes, ces choses. C'est ça, les taxes aux douanes des marchandises qui passaient, les fruits qui nous... Ça, aujourd'hui, on peut dire que c'est quasiment éliminé. Ces tarifs douaniers ne sont pas le plus important élément dans un accord de libre-échange. Exactement, parce que pendant tout le temps qu'ont duré ces accords-là, c'est-à-dire de 1948 jusqu'à 1994 inclusivement, c'était juste les marchandises qui était concerné, donc les frais de douane pour le passage des marchandises aux frontières, donc pour l'entrée de marchandises. Donc, pendant une quarantaine d'années, on a négocié des abaissements des tarifs et il en restait presque plus, peut-être 10% des marchandises donc, qui étaient affectées par des tarifs, d'ailleurs, qui étaient aussi pas mal bas. Mais, au début des années 80, il y a un phénomène qui se passe dans le monde, c'est la montée du néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est? Que cette bibitte. Je vais vous le résumer en peu de mots pour que vos auditeurs puissent s'en rappeler facilement. Le néolibéralisme, c'est la suprématie, la primauté du marché sur le politique. Hein? C'est cool. La primauté du marché, c'est-à-dire la primauté des lois du marché, qui jamais se trompent, paraît-il, le marché ne se trompe jamais, sur les lois démocratiquement votées dans nos parlements. Donc, c'est ça le néo-libre-échange. Tout d'un coup, on a dit, les politiciens, après tout, ce n'est pas des gens aussi sages que ça, ils votent des lois. Regardez, mais ce qui serait beaucoup mieux, c'est qu'on soit gouverné par les lois du marché qui ne se trompent jamais. C'est-à-dire, c'est régi par l'offre et la demande. Donc, si vous n'aimez pas une marchandise, si vous n'aimez pas le prix, vous n'achetez pas, vous n'achetez un autre, etc. Donc, on a dit maintenant, c'est ça qui devrait être la philosophie principale des relations internationales et de l'économie. Voilà. Donc, primauté du marché sur la politique. Alors, ça, c'est une philosophie, c'est des principes. Fallait que les politiciens l'acceptent, ça. Hein? Fallait que, pour créer des emplois avec les transnationales, les grandes multinationales. C'est ça. Alors, ce qui était en arrière de ça, c'est les multinationales. Les multinationales. Ils promettaient des jobs. On envoyait nos ministres des Affaires étrangères, nos ministres du Commerce international négocier en mission, essayer de convaincre des grandes entreprises dans le pays de leurs sièges sociaux pour qu'ils viennent s'établir chez nous. Exactement. On ne voulait pas leur déplaire. C'est ça. Un petit peu de paradis fiscal d'un bord, un petit peu d'ouverture de tarifs de l'autre. Oui. Alors, donc... Les tarifs d'électricité, dans notre cas, préférentiels. Oui, pour les grandes compagnies, entre autres. Ça a donné bon, Trump. C'est ça. Alors, comment faire accepter cette philosophie-là que les lois du marché seraient prédominantes sur la démocratie? Sur le politique. Alors, il fallait faire signer les politiciens pour ça. Évidemment, les politiciens étaient d'accord, à commencer par Reagan. Tu sais, il y en a qui ont été tout de suite d'accord, mais il y en a qui ne l'étaient pas. Donc, on a concrétisé cette philosophie-là dans des accords de libre-échange. C'est-à-dire, on a fait signer les politiciens. On a embriqué On les a embrigadés. Les politiciens, pour qu'ils signent leur propre renoncement à faire prévaloir le bien commun. Donc, si on nomme des noms, ça, c'est l'époque de Reagan que vous parlez. qui commence. C'est à l'époque de Reagan qui commence. Oui, oui. Donc, Brian Roney ici au Canada. Exactement. Et par la suite, ça s'est perpétué les Bush, les Clinton. C'est ça. Et ici, de ce côté, avec Jean Chrétien et les autres. C'est ça. Donc, ceux qui étaient en arrière de ça, c'est les multinationales. Et l'autre, ça fait leur affaire de dire, nous, on va prendre des décisions plutôt que des politiciens. Donc, on va faire signer ça. Alors, le premier politicien à accepter ça, c'était Reagan, aux États-Unis, qui a été président des États-Unis de 1981 pendant 8 ans. D'ailleurs, Québec a joué un rôle important lors du Irish Summit à Québec. C'est ça. M. Baron Roney a accueilli au Grand Théâtre à Québec une grande cérémonie où on célébrait l'entente de libre-échange. C'est ça. Reagan est venu rencontrer Mulroney, qui était notre premier ministre dans ce temps-là. Il est venu le rencontrer à Québec, s'il vous plaît. Et c'est là qu'il a annoncé qu'il était pour avoir un nouvel accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Et le gouvernement québécois en place était pro-libre-échange. D'ailleurs, s'il y a eu par la suite des ententes de libre-échange, c'est grâce à l'appui du Parti québécois, des Bernard Landry, et Jacques Parizeau et compagnie. Exactement. Donc, c'était le Parti québécois qui était au pouvoir. C'était René Lévesque qui était premier ministre. Et Bernard Landry et Parizeau qui étaient parmi ses principaux ministres. Donc, Jacques Parizeau, surtout, était ministre des Finances. Donc, ces deux précepteurs économiques se sont fait les chantres du libre-échange. C'est ça. Donc, juste une petite confidence à partager avec nos auditeurs. Nous deux avons travaillé sous le gouvernement de Bernard Landry à l'époque où il était ministre. Exactement. Ça serait plaisant de l'inviter à notre émission puis pouvoir le questionner s'il a évolué, s'il resignerait les mêmes accords. Bien oui, parce que Bernard Landry, dans ce temps-là, justement, lui, pendant que ça se négociait, vous voyez, c'était annoncé en 85, c'était négocié, puis c'était signé, paraffé d'abord en 1987. Donc, pendant toutes ces années-là, ça discutait au Québec, là, puis au Canada, sur est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon? Donc, c'était un grand débat. Même que l'élection fédérale en 1988, ça a porté sur le libre-échange. Avec l'appui du gouvernement péquiste de l'époque. Alors, Bernard Landry, que vous rappelez à notre mémoire, et Parizeau, étaient pour les autres. C'est surprenant. Pas deux indépendantistes qui étaient pour ce genre d'accord qui nie, pour ainsi dire, la suprématie des États pour prendre des décisions. L'étonation se faisait damer le pion par les multinationales ou transnationales, en fait. Exactement. Alors, Bernard Landry a même écrit un livre dans ce temps-là que ça s'appelle « Le sens du libre-échange ». Bernard Landry, grand économiste, professeur de droit aussi. Professeur, voulait enseigner à tout le monde. C'était quoi? Les bienfaits du libre-échange. Et j'en étais. J'ai lu et je pensais que c'était la solution. Ah bon? Moi, il me l'a dédicacé. Une très belle dédicace. Aujourd'hui, ça serait différent. On va l'amener à l'émission. J'aimerais bien ça le rencontrer. Pourquoi vous ne l'invitez pas pour qu'on ait C'est fait. J'attends juste une réponse positive. Une petite conversation ensemble. J'en ai une et d'ailleurs, je peux vous faire la confidence. Je lui ai dit, puis que pensez-vous des ouvrages de Jacques Bégelinot lui-même, etc. Il dit, écoute, si on a le choix entre ce libre-échange-là et l'anarchie, vous connaissez ma réponse et mon choix. Il paraît qu'on a juste deux choix, l'anarchie ou le libre-échange. Le libre-échange, donc, qui est régi donc, par les lois du marché, ou sinon c'est l'anarchie. Mais où est le politique dans ça? C'est ça. Voilà. Mais c'est pour ça que j'aimerais dans les archives. J'aimerais ça avoir une conversation amicale. On le fera, je vous le promets, avant la fin de l'année. Je serais même prêt à me déplacer à son domicile, à Versailles. Non, on va le faire venir par téléphone. Toute la technologie, vous. Ça s'accueille. Non, on pourrait aller le voir chez lui, ça vaudrait la peine. Au-dessus d'une bonne bouteille de vin, je sais qu'il y a une bonne cave de vin chez lui. OK. Alors, si on vient à nos oignons, de quoi parlait-on dans ces ententes de libre-échange? Voilà. Actuels, les nouveaux, là. Ceux que Trump est en train de laisser tomber. C'est ça, d'un nouveau type de libre-échange que les États-Unis nous proposaient. Ces accords de libre-échange ne concernaient pas seulement que les marchandises, mais surtout des investissements. Donc, la libre circulation des capitaux. Ah, c'est ça qui fait, c'est ça qui fait de la peine à Trump, là. Hein? Comme disait Jean Chrétien à l'époque, premier ministre du Canada, il n'y a rien qui voyage plus vite qu'un million de dollars. Et ça. Donc, surtout avec le libre-échange. Puis à l'heure de l'électronique. Ça ne voyage pas si vite que ça, c'est avant la libre circulation des investissements. Donc, avec le nouveau libre-échange, les grandes compagnies, les multinationales, peuvent voyager d'un pays à l'autre. Et quand ils arrivent d'un pays étranger, on ne peut pas leur imposer des exigences. Il faut qu'ils soient traités comme les entreprises nationales. Ah! Donc, on n'a pas le droit de défendre nos entreprises. C'est pour ça que des grandes entreprises comme chez nous, comme Rona puis Saint-Hubert, ont été vendues. Hein? Parce que on peut pas les défendre. Hein, on peut pas défendre nos propres entreprises. Même si on le voulait, il y a des clauses dans ces ententes néo-libre-échangistes qui pourraient nous en empêcher, même faire en sorte que les entreprises ont des compensations financières pour les revenus espérés, imaginés, perdus. Exactement. Il y en a beaucoup. Par exemple, les entreprises qui ont investi dans un gaz de schiste au Québec. Alors, aujourd'hui, si le Québec veut annuler ces engagements-là là, qui ont, leur ont déjà été concédés, il faudrait payer. Alors ici, on salue le premier ministre Couillard qui veut annuler les ententes signées par le gouvernement précédent sur l'île Anticosti. C'est ça. C'est peut-être une bonne chose qu'on ne développe pas trop, qu'on n'explore pas trop ce pétrole de schiste ou ce gaz de schiste, mais ça va coûter cher si on les annule. Oui, parce que surtout que c'est des compagnies étrangères qui peuvent poursuivre notre gouvernement. Les compagnies nationales ne peuvent pas si bien. Les compagnies étrangères, c'est dans ces accords-là qu'ils peuvent poursuivre le gouvernement étranger qui leur refuse des affaires bon marché, où ils peuvent faire des profits. Ça ressemble à un cadeau de grec, comme on dit. Exactement. Donc, ce qu'il y a de nouveau dans ces accords-là, en plus de la libre circulation des biens et des marchandises, il y a les investissements, premièrement. Deuxièmement, les services. Les services aussi sont considérés comme des marchandises maintenant. Donc, c'est quoi les services? C'est l'éducation, la santé, la culture. C'est des sommes énormes. Hein? C'est pour ça que notre système de santé actuellement, étant donné que c'est des néolibéraux qui sont au pouvoir, et c'était le PQ, serait pareil. Alors, notre système de santé glisse vers le privé progressivement. Ça prend du temps parce que les gens sont opposés, mais ils sont patients. Alors, c'est pour ça que notre système de santé, de service, les entreprises privées ont un œil dessus. Donc, peu à peu, là, ils en prennent des bouchées. Alors, donc, en plus des marchandises, des investissements, les services, l'agriculture. L'agriculture aussi était exclue des accords précédents du GATT. C'était pas considéré comme une marchandise, ça, l'aliment, une marchandise comme les autres. C'est trop vital pour la survie des humains. Alors que l'entente de libre-échange adoptée entre le Canada et l'Europe, un des points importants de négociation était le fromage, les quantités de tonnes de fromage qui vont entrer par année au Canada. Et en compensation, d'autres produits agricoles canadiens ont été ouverts en Europe. Pour ne pas dire le bœuf canadien a été échangé contre du fromage québécois. C'est ça. Nous autres, si on peut produire notre fromage, mais là, ces accords-là vont permettre que le fromage européen, qui est moins réglementé puis subventionné, va pouvoir entrer au Québec plus facilement. Puis, ils vont permettre aux bœufs de l'Ouest puis à nos cochons d'aller en Europe plus facilement, même si les autres sont capables de produire ces affaires-là. Alors, donc, c'est ça que dans le néo-libre-échange. Il y a une autre affaire aussi dans le néo-libre-échange que j'appelle, parce qu'il descend directement du néolibéralisme. Donc, c'est les achats publics. Ça, c'est névralgique. Les gros contrats, là. Que donnent les gouvernements. Les Ray James, les autres grands projets, parfois inutiles, mais créateurs d'emplois. Oui, donc, les municipalités, les gouvernements ont toujours affaire à donner des contrats, que ce soit pour le recensement du Canada, par exemple. Donc, c'est donné à des entreprises privées, ça. Donc, actuellement, c'est une entreprise états-unienne qui le fait. Donc, il faut qu'ils rouvrent ça internationalement. Si on veut ici, par exemple, des wagons pour le métro, alors, au début, le gouvernement avait dit, naturellement, ça va être Bombardier. Oh, ils ont dit non, non, non. Il faut ouvrir ça international. De sorte qu'il y a eu un compromis, là, une compagnie européenne, Alstom, qui, avec Bombardier, va faire ces wagons-là. Alors, donc, c'est ça qu'il y a de nouveau dans ces accords-là, puis il y a une autre affaire encore plus stupéfaction encore plus paradoxale, c'est que pour juger des conflits, quand il y a des conflits entre les gouvernements et les entreprises, alors il y a un tribunal supranational, hein, au-dessus de nos cours de justice, au-dessus de la Cour suprême même, pour juger des litiges entre le gouvernement et les multinationales. Hein, c'est extraordinaire, des multinationales qui peuvent poursuivre le gouvernement. Actuellement, il y a une multinationale, là, Pine Resources, qui poursuit le gouvernement du Québec pour 250 millions de dollars à cause des contrats qu'il y avait eu pour les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, ils poursuivent le gouvernement pour 250 millions de dollars. Voilà. Ça, c'est les principales nouveautés dans les nouveaux accords de libre-échange qui sont totalement différents des autres. Pour ça qu'on appelle ça libre-échange, free trade. C'est pas le trade, hein, c'est misleading, cette appellation-là. Alors, c'est tout. Ben, en fait, j'aimerais qu'on prenne une petite pause et qu'on revienne parler de ces deux accords de libre-échange qui fatiguent le plus le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Okay. On va en revenir maintenant qu'on sait un peu plus ce que sont ces ententes dont il est question. Eh bien, là, on va vraiment vous poser la question, M. Gélina. Qu'est-ce que Trump veut vraiment aller chercher dans ses renégociations? Qu'est-ce qui lui tombe sur les nerfs? Ouais. Voilà. C'est plutôt une race psychologique qu'un produit social. Je crois, oui. 89.1ckrl.qc.ca. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radiothon de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochain. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial pré-Radiothon et le prix membre. Notre objectif, 42 000 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 au 418 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. J'ai un formulaire et un chèque à remplir. J'aimerais tellement lire le journal et comprendre les articles. J'aimerais améliorer mon français pour reprendre mes études et trouver un travail. Je voudrais écrire des messages à mes amis et à ma famille. J'arrive pas à lire ce qui est écrit sur ma bouteille de médicaments. Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, répond à vos besoins en écriture et en lecture. Accueil chaleureux, atelier dynamique, pas de gêne, pas de stress. Appelez-nous au 88 841 1042. Lecœuralire.com. En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. Below Her Mouth, Le Client, la comédie française présente Le Misanthrope en différé, Le Cyclotron, Inouk en colère, l'Opéra de Paris présente Così fan tutte en direct, Paulina danser sa vie et Sous ses lèvres. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Monsieur Jacques Bégélina, je suis vraiment content que vous soyez encore avec nous. Et là, je veux vraiment qu'on revienne justement à la base là, de ces ententes de libre-échange. Quels sont les quatre piliers pour qu'on comprenne ce sur quoi Trump pourrait s'appuyer pour renégocier et remettre en question le contenu de ces ententes de libre-échange? Voilà. La philosophie du néolibéralisme et du libre-échange, par conséquent, repose sur quatre piliers. Le premier, c'est la déréglementation. Hein, c'est ça qui fatigue Trump aussi, là. Tu sais, la déréglementation. Et déréglementation, c'est-à-dire que ou la non-réglementation, c'est-à-dire que les politiciens, les politiques font moins de normes possibles, moins de lois possibles pour contrôler les investissements étrangers, tout ça. Donc, moins de règlements possibles. Alors, c'est ça qui entraîne les délocalisations, parce que il y a le règlement, la réglementation, de fait, il y en a, mais c'est favorable aux entreprises qui sont obligées. Les États-Unis, le Mexique, par exemple, ne peut pas imposer aux entreprises qui déménagent au Mexique des exigences spéciales. Par exemple, vous allez employer du matériel mexicain. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, le moindre règlement possible, c'est avantage des multinationales. Alors que ce qu'on a entendu, avant même son intronisation, Donald Trump comme président des États-Unis d'Amérique, ouais. On a entendu rencontrer des grands manufacturiers automobiles pour déjà leur donner des règles de conduite. Ben, donc, il est vraiment contre la déréglementation. Si lui-même, avant même d'être en vigueur, en force, en poste, il émet des règles qui disent si vous ne créez pas d'emploi chez nous, dehors les meubles. Exactement. Il y avait des entreprises là, qui s'apprêtaient à déménager aux États-Unis, puis Trump était intervenu, il a appelé au téléphone. Il a surtaxé en plus. C'est si jamais ils ne produisent pas assez, il va surtaxer les produits à l'importation. Comment qu'il va faire? Ben oui. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, les ententes ne permettent pas de le faire. Donc, il faut vraiment qu'ils renégocient tout pour se le permettre. Mais la manière qu'ils fonctionnent par décret, il confie à ses fonctionnaires de faire la job après que j'aille décider. Pour le moment, une sorte de dictature. Pour le moment, il fonctionne par décret, mais ça marche. C'est juste une directive, de fait, là. Mm-hmm. Quand il dit qu'il va construire un mur, par exemple, il a fait un décret, mais il faudrait que le Congrès approuve les crédits, parce que ça coûte de l'argent, ça. Donc, il faut que ça passe par le Congrès, donc c'est pas passé encore. Mm-hmm. Bon, donc, le premier pilier de la déréglementation. Cette nouvelle, la déréglementation. Deuxième, privatisation. Que tout privatiser. Hein? Qu'est-ce qu'on peut lire de Trump là-dessus? C'est Trump, un homme de l'entreprise privée et il veut gérer ça comme une business. Là-dessus, ça ne le fatigue pas. Ça ne le fatigue pas trop. Non, ça pourrait rester dans ses nouveaux emplois. Exactement. Ça, il peut rester dans ça. Privatiser le système de santé. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est beaucoup moins étatique qu'ici au Canada. Là. Ici au Canada, il y a l'État, ce qu'on appelait l'État social ou l'État-providence, péjorativement. Mais aux États-Unis, il y en a un peu moins. Donc, ça ne le fatigue pas trop. On se fait beaucoup sur les entreprises, d'ailleurs, pour payer les programmes sociaux. C'est ça. Quand on travaille, qu'on a un bon emploi aux États-Unis, on peut avoir un service de santé payé par la compagnie. On se fie pas sur le gouvernement pour aux États-Unis. Oui, mais c'est pour ça qu'il y en avait 40 millions aux États-Unis qui n'ont aucune assurance. Là. Donc, L'Obamacare va devenir le Trumpcare. C'est ça. Donc, le deuxième pilier, privatisation. Troisième, c'est la libéralisation, c'est-à-dire l'ouverture des frontières. Il faut que les marchandises, les investissements, les services... Quand on construit un mur, là, on est loin de la libéralisation des... Là, on pourrait le voir plus tard, les effets de son mur, là. Voilà, parce qu'il y a des contradictions dans son affaire, parce que il est un peu amateur, là, quand même. On va voir. Alors, la troisième condition, c'est la flexibilité du travail. Le quatrième pilier, c'est la flexibilité du travail, c'est-à-dire payer le moins cher possible les ouvriers. Étant donné, tout ça s'appuie sur la déréglementation. Une entreprise dit à ses ouvriers, voyez-vous, là, on s'en va presque en banqueroute, hein? Vous lui mettez... On va renégocier la convention. On va renégocier vos salaires, là. Sinon, on va être obligé de s'en aller au Mexique. Alors, les ouvriers sont contre, puis après, finalement, ils finissent par citer un petit bout de ça que les salaires... On a connu ici à Québec avec la White Birch. Même les gens retraités doivent renégocier leur fonds de pension. Exactement. Dans le but de faire une assurance supplémentaire aux employés qui sont toujours en poste. C'est ça. Donc, ça faisait partie des possibilités des ententes de libre-échange. Oui, exactement. Trump, lui, veut créer des emplois. Oui, donc flexibilité du travail, ça, il est bien pour ça aussi. C'est-à-dire payer les ouvriers le moins cher possible, c'est ça qu'il a toujours fait, lui aussi. C'est ça, il n'a pas dit qu'il allait créer des emplois payants, mais qu'il allait créer des emplois. C'est ça. Donc, il y a deux traités, comme on l'a dit précédemment, qui fatiguent particulièrement Trump. Donc, c'est l'ALENA. Il n'a pas trop parlé de l'ALE, hein, l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Oui. Qui date du temps de Reagan et Mulroney, en 88. Une élection a été gagnée là-dessus. Donc, ça, c'est pas trop remis en question. Non. Il semble, quoique la première rencontre officielle, la première visite officielle que Trump a eue, Normalement, c'est le Canada, c'est le premier ministre du Canada est le premier invité, alors que là, c'est plutôt la première ministre britannique, Theresa May, qui a été accueillie. Exactement. Et qui, eux, le fait qu'ils soient sortis de l'Union européenne par le Brexit, par un référendum dûment organisé, qui est les politiciens en place souhaitent sortir. Pour eux, les Britanniques, c'est très important de négocier une entente de libre-échange avec Trump. Donc, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un nouveau type de libre-échange et le modèle britannico-américain pourrait devenir la norme? C'est ça. Ben, j'ai hâte de voir, mais quelle sorte de nouveaux traités que Trump va proposer. C'est-à-dire, là, il est contre l'ARENA et contre le partenariat transpacifique. Le partenariat transpacifique, qui a déjà été signé, d'ailleurs. Ben, il avait été initié par les États-Unis eux-mêmes dans le but de contourner la mainmise et l'hégémonie chinoise. C'est ça. Parlons-en donc du traité transpacifique. Donc, c'est les États-Unis qui en ont fait la promotion depuis 2010, c'est-à-dire sous Obama. Obama avait fait ça la priorité de sa politique étrangère, c'est-à-dire faire un traité avec les pays du bassin du Pacifique. OK? Le bassin du Pacifique, c'est grand, ça, c'est plus que la moitié du commerce mondial, du PIB mondial, etc. Donc, Obama voulait faire un grand traité de ce côté-là. C'est-à-dire, donc, il a commencé par 12 pays faciles. Hein? L'idéal, pour avoir un bon traité transpacifique, il faudra englober la Chine, l'Inde, tu sais, tous ces grands pays-là. Mais il a commencé par les pays faciles. Les pays faciles, c'est le Canada, le Japon, qui est sous sa protection, l'Australie, ensuite les petits pays, le Brunei, qui est un califat, et la Malaisie, le Pérou, le Chili, le Vietnam, etc. Bon, donc il a commencé par ça, puis ce traité-là il a été signé par le Canada, par les États-Unis, le 4 février 2016, à Atlanta. Hein? Voilà. Et ce traité-là était très désavantageux pour le Québec, parce que le Canada, pour avoir accès, plus d'accès au marché asiatique, à l'Australie, ceux qui sont dans ce petit traité-là, là, qui voulaient, Obama, son idée, c'était de commencer par des pays faciles, puis après de l'étendre dans toute l'Asie, tout le bassin du Pacifique. Alors, donc, le Québec, entre autres, était le grand perdant de ça. Donc, parce que ils vont permettre l'entrée du lait plus facilement, par exemple, de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, qui ont les vaches dans les clos à l'année. Ils n'ont pas de quota qui... Ouais, ils n'ont pas de quota, rien. Donc, les œufs, tout ça, la gestion de l'âge, là, qui comprend le lait, les œufs, la volaille, le dindon, les poulets, tout ça, il va avoir une meilleure facilité d'entrée au Canada. OK? On n'a pas fini de voir de l'agneau congelé de la Nouvelle-Zélande. Exactement. Mais ici, on a encore des bien meilleurs agneaux dans Charlevoix, mais le libre-échange, il fait rentrer les agneaux là, à l'autre bout du monde. Le free-for-all. Oui, c'est ça. Donc, même que Obama avait fait de ce traité-là, de cet accord, le pivot de sa politique Asie-Pacifique. L'idée de... Et c'était contre la Chine. Oui. Hein? La Chine était pas dans ça. Parce que il voulait faire un traité donc qui isolerait la Chine. Hein? Finalement, l'Inde est plus orientée vers les Anglo-Saxons, etc. Donc l'Indonésie aussi. Donc finit par rentrer tous ces grands pays-là, puis isoler la Chine, qui s'annonce actuellement comme la grande concurrente des États-Unis sur le plan militaire, en géopolitique, etc. Donc, c'est ça, la grande géopolitique là, d'Obama. Maintenant, c'est fini. Le 23 janvier, moins d'une semaine, quelques jours après son intronisation, Trump a signé un décret qui sort les États-Unis de ce traité-là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le Canada va vouloir continuer avec les 10 autres pays, donc faire un... Tout semble indiquer que oui. La ministre du Commerce international, Mme Freeland. Ouais. Tout un nom dédié pour le libre-échange, Freeland. Ben oui. Eh bien, qui a eu la promotion de ministre des Affaires étrangères. Ouais. Et vraiment la grande patronne, et on la connaît très proche des Américains. Ouais. Très proche des Russes même et des Chinois. Exactement. Elle parle plusieurs langues et a une connaissance, une formation qui lui ouvre les portes dans ces pays-là. Ouais. Très important pour le commerce international. Ouais, du Canada. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec les États-Unis, là? Elle ne pourra pas convaincre Trump d'annuler son décret. Alors, qu'est-ce que le Canada va faire? Est-ce qu'il va continuer dans ce traité un petit peu rabougri? Hein? C'est pas... Il faut retrouver un autre nom. Le mot entente et invention, avant on parlait de traité. Est-ce qu'il faudrait inventer un nouveau mot? Là, il invente des mots, par exemple, partenariat. Tu sais, c'est un euphémisme, de fait, là, pour faire passer le... Parce qu'on sait que les accords de libre-échange, ça passe moins bien. Alors, on a introduit le mot partenariat. L'accord de partenariat transpacifique. L'Australie, qui est un traité, qui est un pays, un gouvernement très néolibéral. Oui. D'ailleurs, donc, l'idole de Brian, de Stephen Harper. Exactement. Était premier ministre d'Australie il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Donc, l'Australie a annoncé récemment, je ne sais pas s'ils vont le faire, qu'il essayerait d'inclure la Chine maintenant dans ce traité-là transpacifique. Mais ça, c'est tout à fait contraire à la politique des États-Unis. Hein? Ce traité-là était fait pour contrer la Chine. Donc, on est en train d'assister vraiment à une nouvelle doctrine. C'est-à-dire qu'une nouvelle définition, une nouvelle géopolitique internationale que... Un nouvel ordre mondial qui probablement redéfinirait ce libre-échange, là, que c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas d'allure, tu sais, comme le fait que les multinationales arrivent dans n'importe quel pays puis sont chez eux. Et, on appelle ça le traitement national, c'est marqué dans les accords. Donc, il faut qu'ils soient traités comme des entreprises nationales. Alors, donc... On vous connaît l'expression néo-libre-échange, hyper-collusion... business, mais si vous aviez à nommer ces nouveaux accords qui s'en viennent, comment les appelleriez-vous? C'est imprévisible, moi je peux pas lire. Est-ce qu'on pourrait parler de partenariat du protectionnisme? Ben, pas tant que ça, je penserais pas, parce que les États-Unis, eux autres, c'est ça qui est spécial avec les États-Unis. Les États-Unis, eux autres, sont aux deux. Hein? Ils sont à la fois libre-échangistes et protectionnistes. Il n'y a rien que d'autres qui peuvent être comme ça. Hein, pourquoi? Parce qu'ils sont tout puissants. Il y a aussi la Chine. La Chine fait la même chose. La Chine a un plan quinquennal. Oui, a supplié pour entrer dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est un traité, une organisation pour le néo-libre-échange. Ils sont rentrés depuis 2001. Mais là, avec ça, les États-Unis s'aperçoivent que ils sont désavantagés parce que les produits de la Chine rentrent aux États-Unis, au Canada, ici, pas moyen d'acheter une chemise, c'est pas marqué « Made in China ». Alors, ils sont dans des grandes contradictions, là. Alors, quelle sorte de traité qui va en découler, c'est-à-dire... Sortez votre boule de cristal pour nous, là. C'est impossible parce que les États-Unis, depuis les premiers accords d'ailleurs, OK, ils fonctionnent sur les deux, parce qu'eux autres, ils ont une loi. Hein, la loi, la clause la Super 301 qui appelle, qui disent que si une entreprise, si un traité nuit à des entreprises américaines, les États-Unis ne sont pas obligés de s'y soumettre, même s'ils l'ont signé. Hein? C'est ça. C'est une protection blindée pour les autres. Nous autres, on n'a pas de loi comme ça ici au Canada. Encore moins au Québec. Donc, les autres sont à la fois libre-échangistes et protectionnistes, comme la Chine. La Chine, ils protègent leurs entrées, ils donnent des conditions multinationales qui viennent. Les États-Unis se plaignent, mais les autres sont pareils. Donc, les grands pays, c'est au plus gros que ça profite toujours, le libre-échange. Au plus fort la poche. Au plus fort. Donc, les États-Unis peuvent être à la fois protectionnistes et libre-échangistes. Donc, dans les nouveaux traités, c'est ça que Trump va... On s'en va vers là. C'est ça. Pour les États-Unis, mais ils ne permettent pas que les autres en fassent autant. Mais déjà, avec le bois d'œuvre, on a vu, peu importe les ententes de libre-échange depuis 1984, 1988 et patati patata, Pierre-Marc Johnson a dit lors d'une conférence à laquelle j'assistais que quand on parle à des sénateurs américains qui emmènent large au Congrès sur les ententes de libre-échange et tout, les relations internationales des États-Unis d'Amérique avec d'autres pays, disait que dans chaque village, il y a une scierie. Ouais. Il y a un mill, un wood mill, un moulin à papier. Un moulin à acier, surtout un moulin à acier. Et c'est impossible pour un élu américain de ne pas mettre son moulin assis en priorité. C'est les emplois réels, c'est ce qui fait que certains villages naissent, renaissent, restent en vie, c'est ce qui fait que l'école reste ouverte, l'hôpital reste ouvert. Donc, c'est impossible, c'est non négociable. Ouais. Donc, il y a d'autres domaines qui vont devenir, comme le bois d'œuvre, non négociable. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Lors de la crise économique en 2008, Obama était nouveau. Il est arrivé avec une grosse crise en 2008, donc il a commencé sa présidence au début 2009. Puis là, c'est quoi une de ses premières lois? C'était « Buy America ». De ça, que le Parti québécois veut faire naître, mais c'est bon, ça, de ce protectionnisme? Ben, la grande différence entre le Québec et les États-Unis, c'est que les États-Unis, eux autres, ils peuvent imposer leurs lois, puis le Québec, il ne pourra pas. Parce que Jean-François Lisée va être dans une grande contradiction. Le Parti québécois a commencé par Bernard Landry et Jacques Parizeau dans les années 80. Des ententes, ils ont toujours été pour le libre-échange. Jean-François Lisée, quand il était ministre des Relations internationales dans le brève gouvernement de Pauline Marois, accompagnait Pierre-Marc Johnson, qui était le négociateur en chef pour le libre-échange du Canada avec l'Europe. Là. Puis il était pour ça 100%, puis il est encore pour ça. Donc, il parle des deux côtés de la bouche, lui. Il ne sait pas. Mais les États-Unis peuvent le faire. Comment ça fait qu'ils ne se rendent pas compte que le Québec, c'est pas les États-Unis? Il connaît bien, Jean-François Lisée a écrit plusieurs livres sur les Américains, dans l'œil de l'aigle, entre autres. Exactement, Il était correspondant pour Radio-Canada à Washington, à Paris. Je pense qu'il est au courant de tout ça, mais dans le fond, il hérite d'un parti et d'une pensée économique plutôt libre-échangiste. Toujours temps de changer d'idée. Ils ont gardé la même philosophie que Bernard Landry puis Parizeau. Que leur point de vue, c'était simple, de Parizeau et Bernard Landry. Il expliquait ça dans trois mots. Petit pays, grand marché. Donc, et là, il disait, faut avoir un traité signé avec les États-Unis. Mm-hmm. Mais il se rendait pas compte que les États-Unis, quand ils signent un traité, les autres, là, ils ont quelque chose en arrière de la tête. Quand ça fait pas leur affaire, c'est gagnant-gagnant, c'est sûr. Ils l'observeront pas. Win-win situation. C'est ça. Bon. Alors, voilà ce qui est arrivé avec ce libre-échange a commencé dans les années 80. Si on a le temps. Oui. En conclusion, justement, on pourrait faire un petit résumé. Là. Oui, on pourrait parler du mur. Oui. Que Trump veut ériger, justement, ça fait partie de ça. Ça encouragera pas le libre-échange de personnes, Non. Et des marchandises non plus. Parce qu'il y a un demi-million de camions qui circulent dans les deux directions chaque jour. Donc, avec un mur, ça va être plus difficile, etc. Bon, alors, il veut construire son mur absolument. Moi, je me dis que, est-ce que ce serait, donc, un grand tournant, la fin de la doctrine Monroe? La doctrine Monroe, vous savez c'est quoi? Oui, c'est vrai. On va le dire à vos auditeurs. Allez-y. Pour ceux qui l'auraient oublié. Qui était M. Monroe? Il le savait. C'était le président des États-Unis, le cinquième président des États-Unis, en 1825 à peu près. Puis c'est lui qui a dit... L'Amérique aux Américains. L'Américain, ça veut dire les États-Uniens, pour lui, là. Il dit, tout le continent, les trois Amériques, ça, c'est nous autres, c'est notre cour arrière, ça. Et que les Européens restent chez eux, c'est nous autres, là, qui avons l'hégémonie sur le continent américain. C'est ça. L'Amérique aux Américains, l'Amérique dans les deux sens, les trois Amériques aux États-Uniens. OK? Ça, c'était la doctrine Monroe, ça a toujours été ça. Après, il y a Rappelez-nous l'année? 1825. C'était le cinquième président des États-Unis. Et puis après, il y a eu la destinée manifeste, hein, il y a, après 1850, ils ont dit, les États-Unis ont reçu cette mission manifeste de régner sur les trois Amériques. Hein, c'est à nous autres, ça, ce continent-là. Les descendants de Christophe Colomb. Exactement. Alors, donc ça pourrait être la fin, ça, de cette doctrine-là. Parce que dans ce temps-là, quand au début du 20e siècle, il y a eu un président des États-Unis, a toujours été, le Mexique a toujours été, avant les derniers présidents là, qui sont très néolibéraux, un pays très nationaliste. OK? Révolutionnaire, nationaliste, accueillant pour les immigrés du monde entier. Alors, il y a eu Porfirio Diaz au début du siècle qui a dit « La doctrine Monroe, pour nous autres, ça marche pas. » Nous autres, ce qu'on reconnaît, c'est le droit des peuples à s'autodéterminer. Le droit à l'autodétermination des peuples, qu'on retrouve dans la Déclaration des Nations Unies. C'est ça. Alors, il y a quelque chose que Trump n'a peut-être pas vu, c'est qu'il y a des élections au Mexique l'année prochaine. Au Mexique, il y a des élections à tous les 6 ans. Puis, le même président ne peut pas être réélu. Oui, mais ça vaut pour les députés aussi et les sénateurs. J'ai des amis sénateurs verts et députés verts qui ont pu faire qu'un mandat. Souvent, ce qu'on retrouve, un élu peut être conseiller municipal une fois. Par la suite, il peut être député provincial une fois, député fédéral une fois, sénateur fédéral une fois. Donc, il peut se retrouver à être politicien toute sa vie, mais pas toujours dans le même poste, non, comme ici, c'est possible avec les François Gendron et Pierre Paradis. Oui. Puis la maire de la Baume, là, qui peut être élu plusieurs fois. Alors, il y a beaucoup de rues au Mexique, vois, si vous avez remarqué, qui s'appelle la rue de la no-réélection. Non, je connais pas. Oui, il y a beaucoup de rues comme ça, à Cuernavaca, ailleurs. Mais il y a eu des présidents mexicains très américains, comme Vicente Fox. Ah ben oui. Un ancien président de Coca-Cola, qui a fondé un parti avec un dénommé Manuel Cloutier. C'est ça. Un descendant de ma famille. J'ai eu la chance de voir sa statue là-bas. C'est très touchant. Mais aujourd'hui, le premier qui tweet et qui répond à Trump et qui vilipende Trump sur Twitter, c'est bien Vicente Fox. Ah oui. Il est en guerre ouverte, le mur, il veut surtout pas que les Mexicains le payent. Ben oui, parce Il y a un mouvement, et c'est d'ores et déjà un enjeu électoral pour les Mexicains. Oui. Est-ce que, alors donc, comme il peut pas être élu, il va en avoir un nouveau candidat qui peut être un outsider, comme on dit. Oui, c'est un parti d'alliance, le PRI, qui a longtemps été au pouvoir, qui est revenu au pouvoir avec l'appui du Parti vert mexicain, le PVRM. Donc, à partir de Fox, il y a eu 2 autres présidents qui étaient aussi néolibéraux. Fox, Calderon. Oui, c'est la droite qui est retournée au pouvoir. Et drôlement, grâce à l'appui d'un parti de gauche, le Parti vert, en échange annule, par exemple, Aux prochaines élections, ça pourrait être celui qui s'est déjà présenté, un indépendant, qui s'appelle Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Il faudra se pratiquer à l'apprendre. On l'appelle AMLO. AMLO, c'est Andrés mieux. Manuel López Obrador. Qu'est-ce qu'il pense du libre-échange avec les États-Unis? Lui, il veut abolir ça, là. C'est-à-dire que il veut que le Mexicain retourne à ses racines révolutionnaires, c'est-à-dire, par exemple, les derniers présidents ont dénationalisé le pétrole. Qui était la gloire du Mexique dans les années 36. Les Mexicains donnaient leurs bijoux pour racheter la compagnie, pour le nationaliser, le pétrole. Aujourd'hui, les États-Unis, le Mexique ne raffine même plus leur pétrole. Ils sont obligés d'acheter l'essence aux États-Unis. Ce qui a fait un gros problème dernièrement pour le gouvernement, c'est qu'ils ont augmenté de 20% le prix de l'essence qui vient des États-Unis. Ça a soulevé l'ire de la population. Exactement. Donc là, la population commence à être en colère. L'indignation qui monte. Donc, est-ce qu'on pourrait élire un Trump au Mexique aussi? Un équivalent? Un populiste qui soulèverait les gens contre... le protectionnisme américain et pas nécessairement mettrait des taxes, des surtaxes. C'est vraiment la fin du libre-échange, si je comprends bien. Je suis pas sûr. Parce que ça, c'est pas juste les États-Unis, le libre-échange. Là. Donc, l'Europe est très... L'Union européenne, la Commission européenne est très libre-échangiste. Donc, tous ces pays-là sont déjà rentrés dans cette... Et On considère encore Trump un peu partout dans le monde, là, même dans le monde capitaliste, comme une aberration. Parce qu'on ne sait pas où il va aller. Alors, au Mexique, nécessaire, je ne pense pas que ça serait un nouveau Trump. Ça pourrait être quelqu'un, tout simplement, de gauche, un peu de gauche, qui déciderait qu'il prendrait les intérêts du bien commun. Par exemple, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de récupérer notre pétrole, d'être capable de le raffiner, d'être moins soumis aux accords internationaux. Le Mexique, qui a inventé le maïs, hein, ce sont les Aztèques qui ont domestiqué le maïs, qui est une des denrées aujourd'hui dans le monde entier, qui ne connaît pas le pop-corn. Et les OGM reliés à ça. Exactement, maintenant. Donc, maintenant, les Mexicains sont obligés d'importer du maïs parce qu'il y a un meilleur marché. Les États-Unis trichent. Ils subventionnent leurs producteurs de maïs puis ils l'exportent aux États-Unis. Mais si on vient au Canada et au Mexique, justement, sur les conséquences de l'élection de Trump en rapport au libre-échange, on assiste, en tout cas par la voie des médias, on verra si ça se concrétise, mais des usines canadiennes pourraient fermer pour être rouvertes au Mexique. Donc, les décisions de Trump ont un impact sur la création d'emplois ou la perte d'emplois ici même au Canada. Oui. Trump veut empêcher des Américains de construire des usines au Mexique, mais par la bande, ce sont les entreprises canadiennes qui vont se faire voir perdre des productions de type de voitures, par exemple, qui vont être transférées où ça coûte moins cher au Mexique. Donc, tout ça, même si ce sont plus des arguments qui font en sorte qu'on voit une guerre commerciale poindre entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique, le Canada, par le fait même, par la bande, est impliqué. Exactement. Parce que c'est un... Il donne un coup de pied, pour ainsi dire, là, dans une fourmilière. Alors, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Il est imprévisible parce qu'il nous semble... Bon, ben, continuez à surveiller ça, M. Jacques Bégélina, pour nous. Et on vous réinvitera à ce moment-là pour donner plus de détails. Et je rappelle que vous êtes l'auteur du Néo-Libre-Échange, l'hypercollusion business, le virage à droite des élites politiques québécoises, la globalisation du monde, dictionnaire critique de la globalisation et d'autres articles dans l'autre journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous réinvite, puis je vous promets qu'on va travailler fort pour inviter Bernard Landry, que vous pourrez questionner vous-même. Il faut absolument. D'ailleurs, dans 6 mois, dans 1 an, il va y avoir beaucoup de nouveaux. On va savoir un peu plus là, comment que ça tourne. Merci. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. 89.1. J'ai eu ma première motoneige en 2016. J'ai toujours mis mon casque. J'ai jamais roulé en fou, jamais d'alcool en conduisant. Un lac ou une rivière pas assez gelée, je prends pas de chance avec ça. Hey, on est déjà en 2036, puis j'aime ça autant qu'à ma première sortie en 2016. La motoneige, les prudents en font longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Les 16 et 17 février, la Maison de la littérature présente On trace. On est là à tracer la ligne, à tracer comme des fous sur la ligne de trace, à avancer là sur la ligne de trace. Deux soirées à la fois brutes et sensuelles par Fred Griot et ses musiciens. Une occasion privilégiée de découvrir un des meilleurs poètes-performeurs de la francophonie. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap, La Tortue Rouge, Julietta, Gold. En février, voyez aussi Le Cyclotron et Le Client dès le 10 février, Tony Erdmann et L'Odyssée dès le 17 février, Ça sent la coupe dès le 24 février. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Bon cinéma! Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Raton Lover, c'est quoi ça?